Le système essaye de nous écraser. Pour lui échapper, il faut frapper là où ça fait mal. Personne n'est responsable. Tout le monde est un agent. Les mises en demeure de s'expliquer fleurissent dans la bouche des enfants. Petit patron, un maître dans ta tête t'ordonne de pendre tes rêves. Tu le crains beaucoup, tu as peur qu'il te lance sacré blanche à la gueule. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as cette peur qui te grignote peu à peu l'intérieur et assèche tes pensées. Je ne parle pas de l'eau des fontaines. Je parle d'une eau salée, vivifiante, une eau au sein de laquelle repose la perle de la virginité, gardée par de vulves matrones aux cheveux d'algues, au regard pétrifiant. T'imagines-tu rester des siècles et des siècles statufiés dans l'eau pour la perle, dis-tu. Et tu te souviens soudain que c'était le titre d'une dictée, perle, et tu n'as jamais compris non plus les dictées. Ça, ou la purée à la cantine, c'est du pareil au même. Machine pénible lente à se huiler. Il y a quelque chose qui coince en toi qui te fait grincer la pensée depuis tout petit. Personne n'est responsable. Tout le monde est un agent. Les mises en demeure de s'expliquer fleurissent dans la bouche des enfants.